y a deux semaines de ça. On avait passé un montage de bloopers. Ah oh oui, c'est le moment, là. D'Aucun n'est-il requis. Juste pour ceux qui ne se rappellent pas du montage des bloopers de Aucun n'est-il requis, on vous repasse ça quand même là. 1, 2, test, test. Test! Bienvenue. Hey, salut! Bienvenue à Aucun n'est-il requis. Je vais t'en faire une coupe, tu pourras choisir. Capitaine. Cap à les trois rivières. Hola! Bienvenido à excusez, je trouve ça drôle. J'ai essayé de gesticuler, ça a l'air... Ouais, ça. Dans cet épisode, j'y vais à frette, mais je l'ai même pas lu. Oh, c'est là. Dans cet épisode, on se concentre sur Michel Lebrun et ses chroniques juridiques et judiciaires panier à salade. Au menu de cette salade du chef Lebrun. Ouais, fallait aller. J'avais les yeux pliés. Ouais, je suis en train de loucher. Je comprends, j'ai faim. Un très gros merci à chacun. 89.1, merci. C'est le jeudi 14h. À... Non. J'ai des trémolos. Fait que c'était pas bon, c'est ça? Non, c'est correct. J'aime ça. Je pense que c'est bien. Yes. Voilà. Youi! Oh non, ça donne du matériel pour être contre moi. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je beurre-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, es-tu correct? Ouais! Donc ça, c'était le montage des bloopers de Aucun outil requis. Oui. L'émission que tu animes cet été les mercredis. Oui, en direct. À 13h, oui, tout à fait en direct. Et ça repasse les samedis à 10h. Donc on a eu bien du fun. C'est oui, ben écoute, à chaque fois que je l'écoute, je peux pas m'empêcher de pleurer. Je sais pas pourquoi je pleure de rire. Je trouve ça tellement le montage drôle. Ou l'émission au complet. Mais c'est drôle. C'est très drôle. Je peux pas croire que j'ai dit tout ça. Mais pourtant, c'est vrai. Donc, ça m'a amené à faire aussi un autre petit montage. Je me suis dit, je vais en trouver une fois de temps en temps par l'été. C'est pas pire. Vous vous rappelez quand on a enregistré la pub de Assemblage requis à la plage? Oui. Moi, je m'en rappelle. Stéphanie était là, ce coup-là. Ah, oh. C'est, ouais, oh. Ça nous donne du matériel. Je me sens pas bien. Bon, on est enfin arrivé à la plage. On va les rejouer. Yeah! Yeah! Ah non! Tu as oublié mon sac de maillot. Nice! De maillot, nice! Ben, je peux-tu quand même vous voir tout nu? Je peux-tu quand même vous voir tout nu? Zoui, zoui. je sais pas. Yay, on est enfin arrivé à la plage. On va enfin pouvoir décrocher. Allô, Mathieu, t'as-tu amené tout ce qu'il y avait sur la liste? Oui, oui. Serviette, crème solaire, petite pelle, chaise, portable cellulaire, console de jeu, machine à café. Oui, tout ce qu'il faut. Ben là, Mathieu, t'as oublié mon sac de maillot. C'est pas une plage nudiste? Non, non, pas que je sache. Ben, je peux quand même vous voir tout nu. Suivez les aventures d'Assemblage requis à la plage. Les jeudis de 14h à 18h, on rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. OK, on pourrait se prendre en photo tout nu dans le reflet de l'eau. Ben voyons, dans quoi je me suis embarquée. Oh mon Dieu, j'ai versé une petite larme. Tu vois, hein, c'est ça, on verse des larmes tellement qu'on rit. C'est perturbant quand on est là-dedans. Quelle émotion. Ouais, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur toi, Mathieu. Ben non, on dirait qu'il y a un petit tri qui est fait. Ouais, là, tu te mets du monde à dos, là. Faudra dire à la personne qui a fait le montage, ça pourrait pas vous dire de plus, là. Ouais. Bref, écoutez, Aucun outil requis les mercredis à 13h et Assemblage requis à la plage, évidemment, le jeudi à 14h. C'est aussi le fun que ces bloopers-là. On a autant de plaisir à les faire qu'à les écouter. Il y en a sûrement d'autres pubs qu'on a tapés ou enregistrés depuis les derniers mois que je vais pouvoir faire des montages avec. On verra.